t'étais même pas né que moi j'étais parti dans un joli pays où les filles d'enfer ont des très hauts nichons car elles marchent à l'envers. Et parce que le soleil ça fait pousser les fruits. J'étais même pas là le jour où t'es sorti, le fameux jour béni de ton premier bol d'air. Ce jour où ton papa s'est senti vraiment fier de voir ce qu'il avait fait rien qu'avec son zizi. Ben non, j'étais pas là, t'as très bien entendu. Ne m'en veux pas beaucoup, je te vois qui frétille. J'étais parti chercher un bout de ma famille, parti pour rattraper un bout de temps perdu. Parce que le temps tu vois, maintenant tu en as des heures à volonté pour apprendre à grandir, laisser pousser tes dents, affûter ton sourire, jouer avec tes pieds et faire tes premiers pas. Mais un jour tu verras le temps qui se compresse et les heures passer bien plus vite qu'avant. Et les mois, les années qui te passent devant te feront frissonner d'une froide caresse. Alors tu partiras peut-être toi aussi dans un lointain pays, un continent perdu, pour aller rattraper ce temps qui t'était dû, pour aller rechercher un morceau de ta vie. Préviens bien tes amis, préviens bien ton amour, qu'il va devoir attendre, que ça peut être long, même s'il ne peut comprendre que tu t'en ailles seul, que tu partes sans lui. Parce que si tu t'en vas sans même l'embrasser, tu vas te rendre compte, et peut-être un peu tard, qu'entre ce qu'on possède et ce qu'on veut avoir, le meilleur est toujours ce qui pousse à tes pieds. Ha ! Le meilleur est toujours ce qui pousse à tes pieds.